السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Just brothers, announcement: there's a car in fire outside, so if you have your car outside, just go quickly, barakallahu fikum, to check if your car is not next to the car in fire. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui, cher frère en Allah Azza wa Jal, on va terminer le Qawaid al-Arba' le Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, avec l'explication de Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafidahullahu ta'ala. On est arrivé en guise d'explication de la troisième règle parmi le Qawaid al-Arba', al-Qa'idatu al-Thalitha, à la parole de l'imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dans Ighathat al-Lahfan. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وهذا تتمة لهذا الوجه، قال بعد أن ذكر حديث أبي واقد أي الليثي رضي الله عنه في الإغاثة، قال: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، يعني لا يصلون إليها ولا يطلبونها، ماذا كان يريدون منها؟ البركة والتعظيم. قال: وليسألونها، فما ظنوا بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتن بشجرة إلى الفتنة للقبر؟ ما النسبة بينهما؟ نسبة عالية. قال: لو كان أهل الشرك والبدع يعلمون. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك هكذا يقول: فانظروا رحمكم الله أنما وجدتم سدرة وشجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البراءة والشفاء من قبلها، واضربون بها المسامير والخرق طلبا للبركة، فهي ذات أنواط فاقطعوها. انتهى كلامه رحمه الله. أعني من نقل عنه من أصحاب مالك، وهذا الكلام كذلك لم يؤدي إلى مفسدة أعظم، وكان الأمر تحت ولايتك وقدرتك. يقول الإمام القيم رحمه الله، وانتبه لهذا الكلام، قال: ومن له خبرة، خبرة يعني إدراك وفهم، من له خبرة بما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه أهل الشرك والبدع اليوم في هذا الباب وغيره، علم أن بين السلف وبين هؤلاء الخلوف من البعد أبعد ما بين المشرق والمغرب، وأنهم على شيء والسلف على شيء، يعني مخالفون لطريقة السلف، كما قيل: صارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغرب. Donc c'est la suite de l'explication de la troisième règle de l'épître, les quatre règles de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Explication faite par Cheikh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et il dit, le très savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son fameux livre Ighathat al-Lahfan, et ceci afin de compléter cet angle qu'on avait commencé dans le cours précédent, il dit, après avoir cité le hadith d'Abu Waqid al-Layfi dans son livre Al-Ighatha, Ibn al-Qayyim il a un livre qui s'appelle Ighathat al-Lahfan, si le fait de prendre cet arbre afin d'y accrocher les armes et afin de rester autour de cet arbre, l'ukouf, et prendre une divinité en dehors d'Allah, avec Allah, alors qu'il ne l'adorait pas et ne l'invoquait pas, c'est-à-dire qu'il ne priait pas vers cet arbre, vers lui, et il ne lui demandait pas, ce qu'il voulait de lui, c'est la bénédiction et la vénération. Il dit, et il ne l'invoquait pas. Qu'en est-il alors de rester autour d'une tombe et d'invoquer par cette tombe, et d'invoquer cette tombe, et d'invoquer auprès de cette tombe? Quelle est la proportion de fitna par un arbre en comparaison de la fitna par la tombe? Quelle est la proportion entre les deux? Une grande proportion. Il dit, si les gens de l'association et de l'innovation religieuse savaient, certains gens des sciences parmi les compagnons de Malik ont dit, il dit comme cela, et regardez, qu'Allah vous fasse miséricorde, à quelque endroit où vous trouvez un jujubier, sidra, et un arbre, voulu par les gens, al-hudou barakallahu fikum, et qu'ils vénèrent, dont ils espèrent la guérison de lui, et dans lequel ils plantent des clous et des chiffons, cherchant par cela la bénédiction, alors cet arbre est vête, anwat, et donc coupez-le. Fin de citation d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Je veux dire de celui dont il a rapporté la parole parmi les compagnons de Malik, et cette parole aussi est à mettre en application, si cela n'amène pas un mal plus grand, et que l'affaire soit sous ta juridiction et ta capacité. D'ailleurs, qu'on va finir le cours, à la fin, on va rapporter comme quelques questions-réponses, la série de questions-réponses avec Cheikh al-Bukhari. Vous allez voir quelqu'un qui pose une question dans ce sens-là, et qui dit, voilà, il y a un arbre qui est pas loin de chez moi, etc., et j'ai pris la résolution de le couper, qu'est-ce que je dois faire, etc., et Cheikh al-Bukhari va lui donner un conseil par rapport à ça. Qala wal amru wallahi, je termine d'abord la part d'Ibn al-Qayyim dans les Ghazat al-Afam. Ibn al-Qayyim, quand il lui fasse miséricorde, il dit, et sois attentif quant à cette parole. Et quiconque a de l'expérience, Cheikh al-Bukhari dit l'expérience, c'est-à-dire la compréhension. Quiconque a de l'expérience quant à ce avec lequel Allah le Très-Haut a envoyé son messager, alayhi salatu wassalam, et quant à ce sur lequel sont les gens de l'association et des innovations religieuses aujourd'hui à ce sujet et autres, c'est qu'entre les plus prédécesseurs et ceux-là qui sont venus après, il y a un éloignement plus grand que ce qu'il y a entre le lever et le couchant. Et qu'ils sont sur quelque chose et que les plus prédécesseurs étaient sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il transgresse la voie des plus prédécesseurs. Comme il a été dit, c'est un vers de poésie, elle est allée vers le levant et je suis allé vers le couchant. Quelle différence entre celui qui va le lever et celui qui va vers le couchant. قال والامر والله يحلف بالقيم رحمه الله قال والامر والله اعظم مما ذكرنا نسال الله السلامه والعافيه يقول الشيخ العلامه عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتاب النافع فتح المجيد شرح كتاب التوحيد معلقة قال وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام والعوام الذين يأتون والطغام الذين يروجون لهذا الشرك والعياذ بالله قال ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة فإذا كانوا بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال فكيف لا يخفى على من دونهم أي عن من دون الصحابة رتبة قال فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثر فعله واتخذوه قربة والعياذ بالله قال ومنها أي من الفوائد والأحكام انتبه إلى هذا أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء يعني بالحقائق والدلائل قال ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل يلتفت ولم يلتفت عليه الصلاة والسلام إلى كونهم سموها ذات أنواط فالمشرك وإن سمى شركه ما سماه كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك. Il dit, Ibn al-Qayyim رحمه الله, et l'affaire par Allah, il jure, Ibn al-Qayyim dit par Allah, et l'affaire est par Allah plus grave que ce que nous avons dit. Puis le Cheikh ici, il dit, nous demandons à Allah le salut, la protection. Et le très savant Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son livre bénéfique Fath al-Majid. Fath al-Majid, c'est parmi les explications de Kitab Tawhid qui sont très connues, faisant un commentaire à ce sujet. Et parmi les bénéfices qu'il contient, ce que font certains qui croient en les arbres et les tombes et les pierres en termes de recherche de bénédiction par ces choses et de résidence auprès elles et d'immolation pour elles, c'est l'association, ou shirk. Et que l'on ne soit pas dupé par les gens de la masse ni par les canailles. Les gens de la masse, ceux qui viennent, et les canailles, ce sont ceux qui font valoir cette association, qui propagent et qui la font valoir, qu'Allah nous en préserve. Il dit, et on ne doit pas être étonné que l'association Allah a lieu dans cette communauté. Si certains compagnons ont pensé que c'était un bien, et l'ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'il leur explique que cela est comme la parole des fils d'Israël, dont la traduction du sens est, ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Surat al-A'raf, verset 138. Il dit, comment cela ne pourrait-il pas alors être caché à ceux qui sont moindres qu'eux? C'est-à-dire à ceux qui sont moindres que les compagnons en degré. Il dit, comment cela ne pourrait-il pas alors être caché à ceux qui sont moindres qu'eux en termes de science et de vertu de multiples fois, alors que l'ignorance est prévalente et après le temps des traces de la prophétie, mais de plus leur ont été cachées les immenses associations à Allah dans la divinité et dans la seigneurie, et donc ils ont multiplié le fait de le commettre et l'ont pris comme acte d'adoration, qu'Allah nous en préserve. Il dit, il fait partie de cela, c'est-à-dire, fait partie des bénéfices et des jugements, et prête attention à cela, Cheikh al-Bukhari, il dit, que ce qui est pris en considération dans les jugements, ce sont les sens et pas les noms. C'est-à-dire, par les réalités et les preuves. Il dit, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a considéré leur demande comme la demande des fils d'Israël. Il n'a pas prêté attention au fait qu'ils l'ont appelé Zat Anwat. Car l'associateur, et ce, même s'il nomme son association de n'importe quel nom, comme celui qui nomme le fait d'invoquer les morts et d'immoler pour eux et de leur prêter des vœux, etc., il l'appelle vénération et il l'appelle amour, etc. Cela est l'association à Allah, c'est shirk billah. Et c'est même s'il le nomme de n'importe quel nom et ainsi de suite. Maintenant, c'est la quatrième et dernière règle. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في شدة ومشركو زماننا يشركون دائما في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون تمت وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Le texte de Al-Qa'il Arba, Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit que les associateurs de notre époque sont pires. Ça, c'est à l'époque de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Que les associateurs de notre époque sont pires dans leur association que les anciens associateurs, ou les premiers associateurs. Car les anciens associateurs associaient dans l'aisance, mais étaient sincères dans la difficulté. Tandis que les associateurs à notre époque, leur association est continue dans l'aisance et dans la difficulté. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant vers la terre ferme, ou sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Surat al-Ankabut, verset 65. Et avec cela, c'est la fin de l'épître de Cheikh Islam Mohammed Al-Arab. Et il dit, rahimahullah, fin de l'épître, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons. Maintenant, l'explication de Cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Il dit, na'am, hadhihi al-qa'ida al-akhira fi hadhihi al-risala al-nafi'a wal-kalamu 'alayha sharhan min wujuh. Al-wajh al-awwal. Yubayyin al-Sheikh rahimahullah fi hadhihi al-qa'ida anna al-mushrikeen fi 'asrihi aghladu shirkan wa aqbahu min shirk al-awwalin. Wal-'illatu anna al-awwalin kanu yushrikun fi hal ar-rakha wa idha waqa'a 'alayhim amr shadid fa innahum la yad'una sanaman wa la wathana innahum yad'una Allah wahdahu la sharika lah. واستدل الشيخ أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذا التقرير بآية العنكبوت هذه أما المتأخرون بخلاف الأولين المتأخرون فإنهم مستمرون في شركهم أي من وقع منهم في الشرك سواء في حال الرخاء أم في حال الشدة إذا أصابهم الفزع لجأ بعضهم إلى سيد البدوي أو إلى الجيلاني أو إلى غير ذلك أليس كذلك فيدعون من دون الله ويستغيثون به فيدعونه من دون الله يستغيثون به يطلبون منه المدد كما قال قائلهم يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر نعوذ بالله من الضلالة. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هنا عن القاعدة الرابعة يتعتبر كالنتيجة لما سبقها من القواعد نتيجة القواعد السابقة. شيخ الدين البخاري حفظه الله oui c'est la dernière règle de cet épître bénéfique. L'explication sera sous plusieurs angles. Le premier angle, le Cheikh qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il met en évidence dans cette règle que les associateurs à son époque étaient pires dans leur association que les anciens associateurs. Et la raison est que les anciens associateurs associés dans la situation d'aisance, et si quelque chose de difficile, de sévère leur arrivait, alors ils n'invoquaient ni idole ni fétiche, mais n'invoquaient qu'Allah seul sans lui donner d'associé. Et le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a utilisé comme preuve de ce qu'il a établi ce verset de Sourate Al-Ankabut. Quant aux associateurs venus après dans le temps, ils ne sont pas comme les anciens associateurs. Les associateurs venus dans, après dans le temps sont continus dans, dans leur association. C'est-à-dire qu'ils commettent l'association, que ce soit dans la situation d'aisance ou dans la situation de difficulté. Lorsqu'ils sont touchés par la peur, certains d'entre eux se réfugient auprès de Sayyid al-Badawi ou d'Al-Jilani ou, etc. N'est-ce pas? Et donc ils l'invoquent en dehors d'Allah. Ils l'invoquent en dehors d'Allah. Ils lui implorent le secours. Ils lui demandent de l'assistance. Comme l'un d'entre eux a dit, Ô vous qui avez peur des Tatars, réfugiez-vous auprès de la tombe d'Abu Omar, il vous sauvera du mal. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et cette règle que le cheikh a citée ici, je veux dire cette quatrième règle, est comme le résultat de ce qui a précédé comme règle. Le résultat des règles précédentes. Deuxième angle d'explication de ces quatrième règles, الوجه الثاني يقول شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية قال ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حال الشدة عند ركوب البحر وطلاطم أمواجه وخوفهم للهلاك يتركون إذن أندادهم لأنكم ما لجأتم إليهم في حال الشدة إنما لجأتم إلى الله فأخلصتم الدعاء إذن يلزمكم ترك الأنداد في حال الرخاء كما تركتموهم في حال الشدة قال ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له قال فلما زالت عنهم الشدة ونجهم من أخلصوا له الدعاء إلى البر أشركوا به من لا نجاهم من شدة ولا أزل عنهم مشقة فهل لا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدة واليسر والعسر ليكونوا مؤمنين به حقا مستحقين ثوابه مندفعا عنهم عقابه ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم بالنجاة من البر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم ومقابلة النعمة بالإساءة وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام ليس لهم هم إلا بطونهم وفروجهم قال فسوف يعلمون أي حين ينتقلون من الدنيا للآخرة شدة الأسف وأليم العقوبة انتهى كلامه رحمه الله لديزيم أغل Le cheikh de nos chouyours, le très savant Abdurrahman al-Nasir al-Sa'di rahimahullah, qu'Allah le très haut lui fasse miséricorde, il a dit dans son exégèse du Coran, lorsqu'elle a expliqué ce verset, quel verset de Surat al-Ankabut, Allah le très haut a rendu obligatoire aux associateurs, comme ils sont sincères envers Allah dans la difficulté, lorsqu'ils sont en mer et que les vagues s'entrechoquent et qu'ils ont peur de périr, et qu'à ce moment-là, ils délaissent ceux qu'ils prennent comme égaux à Allah, car vous ne vous êtes pas réfugié auprès d'eux dans la difficulté, mais vous ne vous êtes réfugié qu'auprès d'Allah. Et donc vous avez été sincère dans vos invocations. Et donc il vous est obligatoire de délaisser ceux que vous prenez comme égaux à Allah, dans l'aisance, comme vous les avez délaissés dans la difficulté. Il dit, et ils sont alors sincères, exclusivement pour Allah, sans lui donner d'associé dans leurs invocations. Il dit, lorsque la difficulté se dissipe, et que celui envers qui ils ont été sincères dans leurs invocations, les a sauvés vers la terre ferme, ils lui associent alors ceux qui ne les ont ni sauvés, ni leur ont retiré une difficulté. Pourquoi n'ont-ils pas été sincères envers Allah dans leur invocation, dans l'aisance et dans la difficulté, dans la facilité et dans la difficulté, afin qu'ils soient des croyants en vérité, ayant droit à sa récompense, la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à ce qu'ils repoussent d'eux subhanahu wa ta'ala son châtiment. Mais cette association-ci de leur part, après que nous les ayons comblés de nos bienfaits, en les sauvant vers la terre ferme, afin que son résultat soit un déni de ce que nous leur avons donné, et qu'ils fassent au bienfait par le mal, et qu'ils complètent leur plaisir dans ce bas monde, qui est comme le plaisir des bestiaux, qui ne pensent qu'à leur ventre et à leur sexe. Il dit, ils seront, c'est-à-dire, lorsqu'ils quitteront ce bas monde, pour l'au-delà. La sévérité du regret et la douleur du châtiment. Fin de citation de la parole de Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Aïe, شدت الأسف على ما فرطوا من إخلاص الدعاء والإنابة إلى الله وأليم العقوبة لما أشركوا به جل وعلا في حال رخائهم انتهى كلامه رحمه الله. فالله جل وعلا في هذه الآية العظيمة ذكر إخلاصهم له في البحر وشركهم به جل وعلا في ماذا؟ في البر. والله عز وجل هنا هددهم وشجرهم بسبب هذا الفعل. فقال جل وعلا يكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فاستدل الشيخ رحمه الله كما قلت بهذه الآية على أن الأولين وقعوا في الشرك، لكن في حال الشدة أم في حال الرخاء؟ في حال الرخاء. أما في حال الشدة كانوا يخلصون لله، وأما المتأخرون فيشركون في حال الرخاء وحال ماذا؟ حال الشدة. لكن نتيجة القوم الأولون والآخرون أو المتأخرون واحدة، ولا ليست واحدة، النتيجة واحدة، فهم سواء في الضلال والغواية. نعوذ بالله من الكفر والشرك وأهله. دونك لو شيخ دي البخاري حفظه الله تعالى، c'est-à-dire la sévérité du regret quant à ce dont ils ont manqué en termes de sincérité dans la vocation et de repentir à Allah, et la douleur du châtiment en raison de leur association à Allah dans l'aisance. Fin de citation de la parole de Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, il a cité dans ce sublime verset de Sourate Al-Ankabut leur sincérité envers lui dans la mer et leur association à lui dans quoi? Sur la terre ferme. Et Allah le Très-Haut ici les a menacés et les a réprimandés en raison de cette action de leur part. Et il a dit, c'est dans la traduction du sens 1, qu'ils nient ce que nous leur avons donné et jouissent des biens dans, de ce monde, ils sauront bientôt. Sourate Al-Ankabut, verset 66. Le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, a utilisé comme preuve, comme je l'ai dit, ces versets, quant au fait que les anciens associateurs sont tombés dans l'association. Mais en situation de difficulté ou en situation d'aisance? En situation d'aisance. Quant à la situation de difficulté, ils étaient sincères envers Allah. Quant à ceux parmi les associateurs qui sont venus après, ou les derniers si vous voulez, ils associent en situation d'aisance et en situation de quoi? En situation de difficulté. Mais le résultat de ces gens-là, c'est-à-dire les anciens associateurs et les derniers associateurs, est unique. Le résultat, il est unique. Ou n'est-il pas unique? Le Cheikh dit, le résultat est unique. Et donc, ils sont pareils dans l'égarement et dans l'erreur. Qu'Allah nous préserve de la mécréance et de l'association et de l'argent. Le troisième angle, le wajh al-thalith, يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد لليفر الفامي ليفر الفوائد ابن القيم رحمه الله والتوحيد مفزع أعدائه وأوليائه. التوحيد مفزع أعدائه سبحانه وتعالى ومفزع أيضا أوليائه. فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. قال وأما أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما. ولذلك فزع إليه يونس عليه السلام فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام فنجوا به أي بالتوحيد مما عذب به المشركون، مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لم ينفعه إيش؟ إيمانه. قال لم ينفعه لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل. ما المراد بالمعاينة؟ أي عند الاحتضار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يحتضر. وجد خدير cette partie. Le troisième angle, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit dans Al-Fawa'id, l'unicité est le refuge de ses ennemis, des ennemis d'Allah et des alliés d'Allah. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. L'unicité est le refuge de ses ennemis et aussi le refuge de ses alliés. Quant à ses ennemis, il les sauve des afflictions de ce bas monde et de ses difficultés. Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens 1, quand il monte, regardez comment les ulama comprennent le Coran. Quand il monte en bateau, toujours le même verset, quand il monte en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Sourate Al-Ankabut, verset 65. Il dit, quant à ses alliés, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les sauve des afflictions de ce bas monde et de l'au-delà, et des difficultés de ce bas monde et de l'au-delà. Et c'est pour cela que Younus alayhi salam s'est réfugié vers elle, vers l'unicité, et Allah l'a sauvé de ses ténèbres. Et les suiveurs des messagers alayhi salatu wa salam se sont réfugiés vers elle, et donc ils furent sauvés au moyen d'elle, c'est-à-dire l'unicité, de ceux par lesquels il a châtié les associateurs dans ce bas monde et de ceux qu'il leur a préparé dans l'au-delà. Et lorsque Pharaon s'est réfugié vers elle, lorsqu'il a vu de ses yeux la destruction et la noyade, cela ne lui a pas été utile. Pourquoi ça ne lui a pas été utile? Qu'est-ce qui ne lui a pas été utile? C'est sa foi, elle ne lui a pas été utile. Il dit, ce ne lui a pas été utile car la foi, au moment de voir de ses yeux ce qu'on appelle mu'ayana. Il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le mu'ayana. Hein, la foi quand tu es le mu'ayana, elle n'est pas utile à ce moment-là, c'est trop tard. Cela ne lui a pas été utile car la foi, au moment de voir de ses yeux, n'est pas acceptée. Quel est le sens de voir de ses yeux, le mu'ayana? C'est-à-dire au moment de mourir, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. Ma lam yugharghir, ay yahtadir. Il dit, et car la foi n'est pas acceptée au moment de voir de ses yeux, et cela est la règle d'Allah. قال وإلا لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل هذه سنة الله في عباده فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. Ça c'est des phrases importantes, ya ikhwa. Ça souligne l'importance de suivre ce genre de cours et d'assister à ce genre de livre. فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد ولذلك دعاء الكرب بالتوحيد وهو حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين قال ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. وهو يشير إلى حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه الإمام الترمذي وأحمد والحديث له طرق يصح بها قال فلا يلقي في الكرة بالعظام إلا الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد فهو مفزع الخليقة والملجأها وحصنها وغياثها وبالله التوفيق. Il dit, et car la foi n'est pas acceptée au moment de voir de ses yeux, et cela est la règle d'Allah pour ses serviteurs, et donc rien ne repousse. Écoutez cette phrase. Et donc rien ne repousse les difficultés de ce bas monde comme le fait l'unicité. Et c'est pour cela que la vocation lors de l'affliction est au moyen de l'unicité. Et c'est le hadith d'Ibn Abbas rapportant dans les deux authentiques, il dit, la vocation de Dhunnun n'invoquera pas quelqu'un d'affligé par cette invocation sans qu'elle ne dissipe son affliction. N'invoquera pas quelqu'un d'affligé par... C'est-à-dire que quelqu'un qui est affligé n'invoquera pas par cette invocation sans qu'Allah ne dissipe son affliction par l'unicité. Et il fait référence au hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas qui a été rapporté par At-Tirmidhi et Ahmed, et le hadith à plusieurs voix par lesquelles il est authentique. Il dit, ne fait tomber dans les immenses difficultés que l'association Allah le Très-Haut et n'en sauve que l'unicité. Et donc c'est le refuge des créatures et leur abri et leur forteresse et leur secours, et c'est Allah qui facilite. C'est quoi la dua de Dhunnun? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Regardez, tawhid. Tawhid. Thumma qala al-shaykh rahimahullah, حسب النسخة التي معنا تمت وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وبهذا يكون قد أتينا وانتهينا من التعليق على هذه الرسالة العظيمة المسمى بالأربع القواعد أو القواعد الأربع لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحم الله لنا وله وغفر الله للجميع وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Cheikh il dit, puis le Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire Cheikh l'Islam, dit conformément à la copie que nous avons avec nous, fin de l'épître, et que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sa famille et ses compagnons. Et Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, il dit, et donc avec cela nous aurons expliqué et fini le commentaire quant à cette sublime épître appelée l'Arba al-Qawa'id ou al-Qawa'id al-Arba, les quatre règles de Cheikh l'Islam, le rectificateur, l'imam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah nous fasse miséricorde ainsi qu'à lui. Et qu'Allah pardonne à tous et que les prières d'Allah et ses salutations soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Puis le talib qui lit les questions à Cheikh al-Bukhari, il dit « أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ولعلكم تجيبون على ما تيسر من أسئلة في الدروس الماضية وفي هذا الدرس. » L'étudiant débute la session des questions-réponses en disant « Qu'Allah vous comble de sa bienfaisance en notre chair et qu'Allah vous bénisse. » Et peut-être pourriez-vous répondre à ce qui est possible des questions des cours précédents et de ce cours-ci. Les questions. On va peut-être en faire deux aujourd'hui, Inch'Allah. Qala al-Sa'il. Donc on devrait terminer tout la semaine prochaine, Inch'Allah. Jusqu'à preuve du contraire. Et ensuite on verra ce qu'on va faire, Inch'Allah. Qala al-Sa'il. Hal hadithu Abi Waqidin, radiyallahu anhu, hal yadullu ala anna as-sahaba tawaqa'u fi ash-shirki aw al-bid'ah. Je rappelais qu'on a déjà parlé de ça dans le cours précédent. J'ai dit que Cheikh al-Bukhari allait répondre à une question par rapport à ça. La question, elle dit, est-ce que le hadith d'Abu Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agrée, indique que les compagnons sont tombés dans l'association ou dans les innovations religieuses? La réponse de Cheikh al-Bukhari. Le jawab, kalla, wa li hadha janabu al-sahaba janabun azim, wa la yajuzu laka an tuhaditha nafsaka bihada, wa li hadha dhanna ba'du al-nasi hadha dhann. ظن السوء والعياذ بالله في الصحابة الكرام وحشاهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولكن الذي وقع من بعضهم وقد علله أبو واقد رضي الله عنه بقوله ونحن حدثاء عهد إيش بكفر يعني بقايا باقية من أمور كنا نظن أنها صواب أو أنها حسنة وضح فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجههم وهذا الفعل والقول من أبي واقد رضي الله تعالى عنه يدل على أن من سبقهم من الصحابة الذين تقدم العهد بهم ما قالوا هذه المقالة لعلمهم بأنها مقالة لا تصح. أما أولئك رضي الله عنهم أو من قال منهم هذه المقالة ما كان عندهم معرفة بحكمها، فلا يجوز لك أن تعتقد فيهم هذا الاعتقاد. قد يقول قائل إذن لماذا تذكر الفوائد والأحكام من هذه الأحاديث هكذا الأحاديث؟ وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس أن أحاديث لها أسباب ورود وفقه. من فقه الحديث معرفة سبب وروده، ولهذا يستنبط العلماء الأحكام المبنية على هذه الأحاديث أو من هذه الأحاديث سواء في هذا الباب أو في الأبواب الأخرى. La réponse de Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, il dit non. Et c'est pour cela que l'excellence des compagnons est quelque chose de très important. Il n'était pas permis de penser cela. Et c'est pour cela que certains ont eu ce soupçon, ce mauvais soupçon envers les nobles compagnons, qu'Allah nous en préserve. Et comment pourrait-il qu'Allah les agrée? Mais ce qui s'est passé de la part de certains d'entre eux, et c'est ce que Abu Waqid, qu'Allah le trieux l'agrée, a donné comme raison en disant, alors que nous étions fraîchement convertis à l'islam. C'est-à-dire qu'il restait des choses que nous pensions être correctes et qu'elles étaient bonnes. Est-ce clair? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu, il les a orientés, et cette action et cette parole de la part d'Abu Waqid al-Layfi, qu'Allah le trieux l'agrée, indique que ceux qui les ont précédés n'ont pas dit cette parole en raison du fait qu'ils savaient que cette parole n'était pas correcte. Quant à ceux-là, qu'Allah le trieux les agrée, ou ceux parmi eux qui ont dit cette parole, ils n'en connaissaient pas le jugement. Et donc il n'est pas permis de croire à leur sujet cette croyance. Il se peut que quelqu'un dise, pourquoi cites-tu alors les bénéfices et les jugements de ces ahadiths? Cheikh il dit, les ahadiths sont tels quels et suscitent un bienfait d'Allah sur nous et sur les gens, que les ahadiths ont des raisons pour lesquelles ils ont eu lieu et une compréhension. Et fait partie de la compréhension d'un hadith, de connaître la raison pour laquelle il a eu lieu. Et c'est pour cela que les savants déduisent les jugements basés sur ces ahadiths ou de ces ahadiths, que ce soit à ce sujet ou à d'autres sujets. Puis le Cheikh il va donner un exemple avec un autre hadith. J'aurais bien voulu détailler ça parce que c'est un point important. Il y a beaucoup de fawaïd de tirer de cette histoire, de ce récit. Hein? C'est l'histoire des trois qui étaient restés à l'arrière. Alladina khullifu, salat alladina khullifu, Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Retenez au tafsir de surat Tawbah et aux différents cours des ulama par rapport à... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de bénéfices à tirer de cette histoire. Et vous allez voir qu'on va déjà en tirer quelques bénéfices ici, Inch'Allah. عندي كما في حديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم والحديث الصحيحين كعب ابن مالك وصاحبيه أما تابوا أو لم يتوبوا قد أنزل الله توبتهم أليس كذلك؟ ومع هذا لا زال أئمة السنة هذا سبب important pour un salafi parce qu'il va apporter un fondement par rapport au hasard أهل البدع والأهواء وأهل المعاصي que ce hadith et cette qissa là c'est un dalil et c'est un fondement pour les gens de la sunna sur l'obligation de boycotter et de faire le hazr quant aux gens de l'innovation et des passions et aux gens des désobéissances. On aurait pu, je dis encore une fois, faire le détail par rapport à ça parce que c'est très intéressant, mais on ne pourra pas le faire parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. En plus, je dois m'amener ma fille à l'hôpital, elle est un peu malade, shafa Allah. كما في حديث الثلاثة الذين خلفوا رضي الله تعالى عنهم والحديث الصحيحين كعب بن مالك وصاحبيه أما تابوا أو لم يتوبوا قد أنزل الله توبتهم أليس كذلك؟ ومع هذا لا زال أئمة السنة من القرون المفضلة إلى يومنا هذا يستدلون بهذا الحديث على وجوب هجر أهل الأهواء والبدع وأن هجرهم على التأبيد حتى يتوبوا. قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله الحديث أصل في هجر أهل الأهواء والبدع والمعاصي إلى غير ذلك. قد تابوا رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن بقيت الأحكام وبقي فقه الأحاديث واستنباط ماذا؟ استنباط الأحكام منها. والناس في العلم طبقات، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والناس في العلم طبقات بقدر معرفة بالعلم به نصا واستنباطا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Comme le hadith des trois qui étaient restés à l'arrière, qu'Allah le trieux les agrée, et le hadith est dans les deux authentiques, le Bukhari ou le Muslim. C'est qui ces trois? C'est Ka'b ibn Malik et ses deux compagnons. Ne se sont-ils pas repentis? Se sont-ils repentis ou pas? Allah a descendu la révélation au sujet de leur repentir dans quel verset, dans quelle sourate? Hein? Sourate Tawbah, n'est-ce pas? Et malgré cela, les imams de la Sunna n'ont de cesse Et c'est depuis les trois premières générations qui ont un statut spécifique, le Qur'an al-Mufaddala, jusqu'à aujourd'hui, d'utiliser ce hadith comme preuve de l'obligation de boycotter les gens des passions et des innovations religieuses. Et que leur boycott est permanent jusqu'à ce qu'ils se repentent. Et l'imam Abu Ja'far al-Tabari, retenez cette phrase inshallah, quand le Lifas Miséricorde a dit que ce hadith, le hadith est un fondement au sujet du boycott des gens des passions et des innovations religieuses et des désobéissances, etc. Ils se sont repentis quand Allah le trouve les agrée. Mais les jugements restent et la compréhension des hadiths reste, ainsi que la déduction de quoi? La déduction des jugements à partir de ces hadiths. Et les gens sont de différents niveaux dans la science. Comme l'a dit l'imam Shafi'i, quand Allah lui fasse miséricorde, les gens sont de différents niveaux dans la science. Les gens sont de différents niveaux dans la science en fonction de leur connaissance, de la science en termes de science des textes et de déduction des jugements, c'est-à-dire à partir de ces textes. Allah le Très-Haut dit, dans la traduction du sens est, telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce, surat al-Hadid, verset 21. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله أن يأتينا من فضله سبحانه وتعالى. Deuxième question, dernière question pour aujourd'hui. قال سائل: يوجد في مدينة قرب منزلي شجرة قديمة ليس فيها أوراق والعوام يعظمونها يحكون عنها الأساطير وينقدون عندها السرج إلى آخره. قال: فحلفت أن أحرقها في الليل ثم توقفت خشة الفتنة وأنا ما زلت عازما على ذلك فماذا توجهون. Deuxième question, dernière question pour aujourd'hui, inshallah. Il y a dans ma ville, proche de ma demeure, un arbre ancien, n'ayant pas de feuilles, que les gens de la masse, l'awam, vénèrent. Ils racontent à son sujet des légendes, et ils y allument des lampes à huile, etc. Et donc j'ai juré de la brûler la nuit, de le brûler la nuit. Puis je me suis empêché de le faire, de peur de la fitna. Mais je suis toujours résolu à le faire, quel est votre conseil? Et ça c'est important, avant de faire quoi que ce soit, ou de dire quoi que ce soit, de revenir aux gens des sciences par rapport à quoi que ce soit. Réponse de Cheikh al-Bukhari, hafidahullah. Huwa kama dhakarna huna barakallahu fik ya'ti dawru talabat al-ilm wa huwa min al-ahimmiyati an ta'rif wujub da'wati an-nas ila al-khayr fa ahlu as-sunnati mémorisez ça. Ahlu as-sunnati a'lamu a'lamu an-nas bil-haqq wa arhamuhum bil-khalq. يعرفون الجاهل ويعلمونه ويذكرون الناس يذكرون الناس والغافل فيأخذون بيده إلى السلامة ويعرفونه هذا واجبهم في بيان الحق للناس والتعليم الناس وجوب توحيد الله وإفراده بالعبودية إلى غير ذلك وتحذيرهم من الشرك ووسائله. التصحيح شاق جدا يحتاج إلى صبر ومصابرة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وهذا لا يكون إلا بالعلم الصحيح. هذه الشجرة من الواجب على هذا الأخ أن يعرف قومه ما ذكرناه قبل قليل من أهمية العناية بالتوحيد ودعوة الناس إلى السنة بعلم وحلم. وفي المقابل من له ولاية في هذه المدينة يبين له إن استطاع الوصول إليه إزالتها إن ترتب عليه ضرر كبير فهنا قالوا معذرة إلى ربكم من سورة الأعراف. وهذا لا يعفيه من الإنكار الدائم بالقلب واللسان. أما الدائم بالقلب فهذا لا ينفك عنه لأنه يجب عليك أن تبغض الشرك وأهله. وأما باللسان فلا يفتر لسانك عن بيان الحق للخلق ونصيحتهم بما تستطيع وبين الحق لهم. فإن استطعت باليد وأمنت الفتنة فلا حرج من ذلك. وأما إن كانت الفتنة قائمة قوية فأمسك عن ذلك وبين ما تستطيع بيانه لهم كما ذكرنا. Réponse de Cheikh al-Bukhari par rapport à cette deuxième question. Il dit, hafidahullahu ta'ala, c'est comme nous l'avons dit, c'est ici qu'Allah te bénisse que le rôle des étudiants en sciences islamiques vient et qui est d'une haute importance. Que tu saches l'obligation d'appeler les gens au bien. Car les gens de la sunna sont les plus savants de la vérité parmi les gens et ils sont les plus miséricordieux envers les gens. Ils font savoir à l'ignorant et lui apprennent et ils rappellent à celui qui est oublié et à l'insouciant. Ils le prennent par la main vers le salut et ils lui font savoir. Ceci est leur obligation en termes de clarification de la vérité aux gens et d'enseigner aux gens l'obligation de l'unicité d'Allah et de lui vouer une adoration exclusive, etc. Et de les mettre en garde contre l'association et ses moyens. La rectification est très difficile et requiert de la patience et de l'endurance. Et je me rappelle, subhanallah, d'un frère au Maroc, qui était hafid le Coran, un frère qui était très pauvre, subhanallah, je me rappelle, il connaissait Kitab Tawhid par cœur, il allait dans les villages, il enseignait Kitab Tawhid wa Awam. Il prenait les shuruhat comme Fath al-Majid avec lui, etc. Il allait tout seul dans les campagnes et il enseignait aux gens le tawhid. Il dit, et de les mettre en garde contre l'association et ses moyens. La rectification est très difficile et requiert de la patience et de l'endurance. Hein, c'est pas facile la rectification. Regardez par exemple la biographie de Cheikh Taqi Din Hilali rahimahullah et ses nombreux voyages et toutes les aventures qu'il a dans ses voyages et toute cette rectification qu'il a fait et tout ce qu'il a, il a encouru hein, et tout ce qu'il a vécu comme tort à cause de cette rectification et comment il a patienté, etc. Et comme il a dit le Cheikh, il a dit quoi? On va le dire dans un instant, il a dit بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. Donc il dit le Cheikh ici, la rectification est très difficile et requiert de la patience et de l'endurance. Par la patience et la certitude, l'imama dans la religion. Par la patience et la certitude, s'acquiert l'imama dans la religion. Hein, on avait déjà cité ça dans certains cours, notamment sur notre cours. Kalimatun fi sunna la fi l'ahdat al-jariya. Parle sur la sunna, parle sur les événements actuels qui est disponible sur notre site, spfbirmingham.com. Il avait cité le dalil du Coran, c'était quoi? Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bis-sabr wal yaqin tunalu al-imamata fi ad-din. C'est le verset de sourate Sajda. Et Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a utilisé ce verset pour dire que par la patience et la certitude s'acquiert l'imama dans la religion. Et regardez l'imam Ahmed rahmatullah alayh, hein, certains salaf, ils ont demandé, il a demandé à un autre imam, il lui a dit akanu yu'rafu Ahmed qabla al-fitna. Est-ce que l'imam Ahmed il était connu avant la fitna, avant la fitna de Khalq al-Qur'an, quand ils ont dit que le Coran était créé, la fameuse fitna de l'Jahmiya, etc. Il a dit naam, walakin irtafa'a dhikruhu. Walakin, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son rang et sa réputation a augmenté en raison de sa patience dans la fitna et de ce qu'il a vécu dans la fitna. Et c'est pour ça qu'on l'appelle imam ou ahli sunnah. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, il revenait à sa belle histoire et comment il a patienté sous plusieurs califes aux tortures à tel point qu'il perdait connaissance et que même des années après la fitna, quand il faisait froid en hiver, il avait mal dans ses articulations, dans ses membres à cause des tortures et qu'on devait lui mettre de l'eau chaude pour que ça se calme. Hein? Walakin quoi? Bis-sabri wal-yaqin tunalu al-imamata fi ad-din. Et nous, subhanallah, des fois on se fait insulter. Hein? Ça nous arrive. Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. On se fait insulter. Des insultes, hein. Des insultes. Le frère, la barbe, etc., il t'insulte. Avec des mots de vulgaire, regarde. Hein, devant ma famille, devant les enfants, etc. Il t'insulte. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On va se plaindre. Regardez l'imam Ahmed. Nous, on ne vit rien, nous, par rapport à ce que ces imams-là, ils ont vécu. Subhanallah dit. Certains, ils ont été tués, il faut savoir ça. On a déjà fait des cours là-dessus. Hein? Certains, ils ont été tués, Ils ont été tués. Pour leur défense de la sunna, pour la patience de la sunna, pour la patience sur le tawhid, pour la patience sur l'aqidah salafiyya, al-naqiyya. D'accord? Et nous, subhanallah, quelqu'un nous regarde un petit peu, ou il nous donne une parole, ça fait khalas. Sabr. Sabr. Et cher, il dit, par la patience et la certitude, s'acquiert l'imama dans la religion, et cela ne peut être que par la science authentique. Cet arbre, ce qui fait partie de ce qui est obligatoire à ce frère, c'est de faire connaître à son peuple ce que nous avons dit il y a peu, qui est de donner l'importance à l'unicité, et d'appeler les gens à la sunna avec science et sagesse. D'un autre côté, quiconque a une autorité dans cette ville, de lui expliquer s'il est capable d'arriver à lui. Quant au fait d'enlever cet arbre, s'il résulte de cela un grand mal, alors ceci, alors ici, il a dit un verset du Coran, de Surat al-A'raf, on l'a déjà expliqué aussi dans un dars de Cheikh Khalid Abdurrahman, hafidhahullah ta'ala, qui a dit, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur. Surat al-A'raf, verset 164. Et cela ne l'exempte pas de faire le reproche de manière continue par la langue et le cœur. Quant à ce qui continue par le cœur, cela ne se dissocie pas de lui. Il n'arrête jamais de faire ça. Car il était obligatoire de détester l'association et ses gens. Quant à la langue, que ta langue ne cesse pas de clarifier la vérité aux gens et de les conseiller selon ta capacité et de leur clarifier la vérité. Si tu es capable de le faire par la main et que tu es préservé de la fitna, alors il n'y a pas de mal de le faire ou de faire cela. Mais si la fitna réside en cela, est forte, alors empêche-toi de faire cela et clarifie-leur ce qui est dans ta capacité de leur clarifier comme nous l'avons dit. D'accord? Et vous voyez ce que le ulama qui qaddar al-masalih al-mafasid. Ça c'est important de revenir au mashayikh, hein, pour dans ce fiqh-là. Wallahu alam wa jazakumullahu khairan wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Et j'espère donc, comme je dis, qu'on finira le cours complet la semaine prochaine inshallah ta'ala.